Le prince est là. Il attend les ordres de votre majesté. Qu'il attende encore un peu. Que ma colère se soit froidie. J'ai pâli, n'est-ce pas? Mon cœur qui, au plus fort des batailles, n'a jamais perdu son rythme royal, se désordonne et palpite comme un coq qu'on égorge. Et mon âme m'est tombée dans les pieds. La pire colère d'un père contre son fils est plus tendre que le plus tendre amour d'un fils pour son père. J'ai honte. Je ne veux pas que mon fils sache ce qu'il peut sur moi, ce que ne pourrait pas mon plus atroce ennemi. Mais quoi, il est un de mes actes, et tous nos actes nous maîtrisent un jour ou l'autre. Ah, pourquoi? Pourquoi l'ai-je créé? Pourquoi suis-je forcé de compter avec lui? Pourquoi suis-je forcé de pâtir à cause de lui, puisque je ne l'aime pas? Magnanime, Ferrand. Je vous arrête. Je ne sais pourquoi, chaque fois qu'on me loue, cela jette en moi une brusque ondée de tristesse. Chaque fois qu'on me loue, je respire mon tombeau. Ma dévotion, faut-il donc que ce soit silencieusement? Au jour du jugement, il n'y aura pas de sentence contre ceux qui se seront tus. Introduisez le prince. Je ne sais jamais que lui dire, mais aujourd'hui, je le sais.